Au commencement était non pas le verbe, mais le gaz. Et dans ce gaz, il y avait des grains de poussière. De ce gaz naquit une étoile et autour d'elle orbita un nuage de gaz et de poussière mêlée. Ce nuage, contraint par les forces de gravitation et par le moment cinétique, devint un disque. Et de ce disque naquirent d'abord des petits corps, des astéroïdes, puis d'autres de plus en plus gros, des planètes, certaines telluriques, d'autres gazeuses, et ainsi fut constitué le système solaire. C'est de ces disques protoplanétaires dont nous allons vous parler et des récentes études qui nous aident à mieux comprendre leur formation et celle des planètes qui en résultent. Planète, leur meilleur disque, c'est le programme En Formation qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la création, la formation et la transformation de ces anneaux de poussière et de gaz, également appelés disques d'accrétion, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sacha Gavino. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en astrophysique et post-doctorant à l'Institut Niels Bohr à l'Université de Copenhague. Et nous sommes en ligne avec Anthony Boccaletti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, à l'Observatoire de Paris. Mais on commence par votre tube quotidien, le top 50 de l'actualité scientifique du jour. C'est le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Marc Toesca. Bonjour Nicolas. Allez, on commence ce journal avec l'annonce hier par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Son entreprise, qui s'appelle donc désormais Meta, lance l'un des plus puissants supercalculateurs au monde. Oui, le AI Research Super Cluster, le RSC. Alors, selon le communiqué de presse, ce supercalculateur sera dédié au développement d'intelligence artificielle. Plus précisément, des modèles d'IA de traduction de langue, des modèles de traitement du langage naturel, les NLP, mais aussi pour alimenter les mondes virtuels des métavers, ces mondes parallèles développés par Meta. Alors, ce supercalculateur n'est pas encore abouti, mais il est opérationnel. Il est composé de plus de 6000 puissantes unités de traitement graphique. Il surpasse déjà le précédent supercalculateur de Meta et il se hisse devant le superordinateur classé au 5e rang du classement mondial du top 500. Alors une fois finalisé, d'ici le milieu de l'année, le RSC comprendra 16 000 processeurs graphiques et il devrait être 3 fois plus puissant qu'aujourd'hui, avec des performances de près de 5 exaflops. Alors avec une telle puissance de calcul, il devrait mettre au point des modèles capables d'apprendre en prenant en compte plus de 1000 milliards de paramètres. Et vous pouvez retrouver ce communiqué, puisque ce n'est pas encore une étude, mais également les émissions que nous avons consacrées au supercalculateur sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Hier, la NASA a déclaré que le James Webb Space Telescope était arrivé à destination. Oui, un mois après son lancement, ça y est, le James Webb est arrivé à bon port. Il stationne à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange, le L2, une zone gravitationnelle stable où il va rester ces 10 prochaines années. Il tourne le dos à la Lune, à la Terre et au Soleil, mais il ne va pas encore ouvrir les yeux sur l'univers lointain. Il faut encore préparer l'observatoire. Il faut attendre une semaine pour que le télescope se refroidisse. Puis prochaine étape, les 18 hexagones de son miroir vont s'aligner. Une opération délicate qui devrait durer environ 3 mois. Nous devrions recevoir les premières images du James Webb Télescope cet été. Selon une étude parue dans Scientific Reports, il existerait des effets transgénérationnels du tabagisme prépubère. Des épidémiologistes britanniques ont réexaminé les données de la grande étude Children of the 90s, une étude 1 sur 30 ans avec plus de 14 000 personnes. Ils découvrent que si un garçon devient fumeur avant sa puberté, avant ses 13 ans, il pourrait y avoir des effets sur sa descendance féminine, que ses petites filles et arrière-petites filles seraient plus susceptibles de souffrir d'obésité par rapport à celles dont les ancêtres ont commencé à fumer plus tard. Alors c'est la première fois que l'on retrouve un tel lien transgénérationnel des effets du tabac sur 4 générations. Néanmoins, les auteurs reconnaissent que ces associations doivent encore être confirmées par d'autres jeux de données ou à l'aide de biomarqueurs. Et enfin, selon une étude parue dans The Journal of Neuroscience, même dans notre sommeil, nous pouvons reconnaître la voix d'une personne inconnue. Et des chercheurs ont examiné par électroencéphalogramme les ondes cérébrales de 17 dormeurs. Alors, pendant leur sommeil, des enregistrements de voix familières ou inconnues ont été diffusés. Il se trouve que les voix inconnues provoquent plus de micro-réveils et de complexes cas, un type d'onde cérébrale. C'est comme si ces stimulus extérieurs nouveaux déclenchaient une alarme, ce qui expliquerait aussi pourquoi nous dormons mal dans un environnement inconnu. On savait que notre cerveau ne s'arrêtait jamais, même la nuit, mais cette étude montre qu'il est aussi capable de passer en mode sentinelle durant notre sommeil. Merci Natacha et à demain pour le prochain journal des sciences. À la question à quoi ressemblait le tout jeune soleil de notre système quelques dizaines de milliers d'années après s'être allumé, la réponse a été apportée partiellement dans 2 études publiées au mois de décembre dernier dans Nature Astronomy. Le soleil tout jeune ressemblait en fait à une sorte d'énorme Saturne entouré de plusieurs anneaux immenses constitués de gaz et de poussière desquels sortiront quelques dizaines de milliers d'années plus tard les planètes que nous connaissons aujourd'hui, certaines gazeuses, d'autres telluriques et pas tout à fait dans l'ordre et à la place à laquelle elles se trouvent aujourd'hui. Ces tout premiers instants du système solaire sont encore pourtant assez mystérieux, tout comme l'est l'organisation exacte de systèmes planétaires autour d'une étoile. Alors quelle est la mécanique céleste qui se cache derrière la transformation d'un nuage de gaz en étoile, puis en disque protoplanétaire, puis en système planétaire? Voilà, c'est la question vaste à laquelle nous allons tâcher d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Peut-être pour commencer, un mot, on y reviendra plus dans le détail plus tard, mais un mot sur ces 2 études publiées en fin d'année dernière dans Nature Astronomy, Anthony Boccaletti. Que disent-elles exactement et qu'apportent-elles à la connaissance de ces premiers instants de notre système solaire? Alors, effectivement, ces 2 études sont intéressantes puisque en fait, on ne peut pas témoigner exactement de ce qui s'est passé au début du système solaire. Donc, il faut pouvoir le modéliser. Donc, ça, c'est important. Et on le modélise avec des outils numériques et aussi avec des observations d'autres systèmes dont on va parler sûrement, des disques protoplanétaires. On essaye de mettre tout ça ensemble et de comprendre ce qui s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années. Il y a eu énormément de progrès dans ce type de modélisation. Et donc, ces études montrent un petit peu que les planètes peuvent se former pas forcément à l'endroit où on les observe aujourd'hui, elles peuvent migrer dans les systèmes comme vous l'avez dit, il y a des anneaux qui se forment, des anneaux de poussière et de gaz également, et il y a une interaction assez forte entre le gaz et la poussière, et ça va déterminer complètement la forme du système au bout de quelques milliards d'années. Un mot peut-être sur ces 2 études. On y reviendra tout à l'heure une fois qu'on aura posé des bases de connaissances un peu plus étendues pour comprendre ce que disent exactement ces études parce qu'elles sont effectivement assez passionnantes. Mais est-ce qu'elles apportent vraiment des éléments de réponse à des choses ou à des zones qui étaient encore mystérieuses ou ombrageuses, Sacha Gavino? Ouais, disons qu'elles font suite effectivement à des questionnements qu'on se pose depuis très longtemps dans la recherche de la formation des planètes. Et alors elles répondent évidemment à des réponses, mais elles posent aussi d'autres nouvelles questions. Mais effectivement, ça montre que c'est quelque chose de très complexe, la formation des planètes, et que, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques temps, c'est pas quelque chose de graduel, on passe pas de grains micrométriques vers des grains centimétriques, millimétriques, kilométriques, etc. C'est pas progressif, c'est plus compliqué que ça. Ces études en sont un peu l'exemple. Et puis on verra comment elle donne également quelques indications sur le fait que des planètes aussi différentes et aussi diverses puissent se former à partir du même matériau et quelles sont les mécaniques qui sont derrière tout ça. On y reviendra une fois de plus dans quelques minutes. Un mot général d'introduction, Anthony Boccaletti. Comment se fait-il et pourquoi cette étape primordiale vraiment des systèmes planétaires est-elle encore relativement mystérieuse ou mal connue? Bien, Par exemple, pour le système solaire, ça s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années. Donc c'est un petit peu vieux quand même, et on n'a pas forcément, donc on peut pas observer cette étape-là, hein, c'était il y a 4 milliards et demi d'années. Donc on va trouver des indices soit dans notre système solaire, par exemple en analysant les comètes et les astéroïdes, de l'état du système solaire il y a 4 milliards et demi d'années, pour comprendre comment se sont formées nos planètes du système solaire. Et puis on va trouver aussi d'autres indices dans d'autres systèmes exoplanétaires, enfin protoplanétaires, qui n'ont pas forcément le même âge que le Soleil, et souvent donc on essaye d'observer des systèmes très jeunes. Alors très jeunes en astronomie, ça veut dire quelques millions, voire quelques dizaines de millions d'années. Et donc en recoupant tout ça, on arrive à avoir justement une image de ce que ressemblerait, de ce à quoi ressemblait, pardon, le système solaire au tout début. Quels sont les gros points d'interrogation, Sacha Gavino, qui restent justement sur ces premiers instants, c'est-à-dire sur ce passage, et on va essayer de décrire, hein, ce que l'on sait, ce que l'on peut en dire, d'un nuage de gaz et de poussière à un disque protoplanétaire. Je dirais que les principales questions sont de l'ordre, disons, macrométrique, c'est-à-dire que, alors on sait globalement comment est-ce que les grains de poussière au sein du disque vont s'agglomérer pour former des grains du type, voilà, du niveau du millimètre, du centimètre. Et il y a un gros gap en termes de connaissances entre le centimètre et finalement le kilomètre ou les protoplanètes. Donc ça, c'est une des questions majeures. Je dirais qu'il y a un deuxième aspect un peu plus, disons, microscopique, c'est-à-dire aussi on se pose la question de, voilà, il faut savoir de quoi est constitué le gaz, c'est-à-dire que c'est pas simplement du gaz, c'est aussi des molécules qui vont à un moment donné, qui vont nourrir le réservoir astrochimique des planètes. Anthony Boccaletti, les premières observations directes de disques protoplanétaires en train d'accréter ou en formation, elles remontent à quand? Alors tout dépend de ce que, de quel détail, enfin de, ouais, du niveau de détail. Ouais. Ouais, voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on observe quand même ces disques depuis déjà quelques années, mais ce qui est important, c'est la résolution spatiale ou angulaire, c'est-à-dire en fait les détails qu'on voit dans ces disques. Et si on veut comprendre la formation des planètes, il faut atteindre une échelle qui est de l'ordre de la distance typique entre une étoile et sa planète. Donc, dans le système solaire, on parle de l'unité astronomique, qui est là un peu qui est la référence, un petit peu l'unité de distance que nous on utilise en astronomie, qui est la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Et donc, il faut être capable de résoudre un peu ces échelles-là dans d'autres systèmes. Et donc, il faut avoir des grands télescopes pour ça. Et il a fallu quand même attendre plutôt les télescopes de 8-10 mètres pour arriver à voir ça, à voir ces échelles-là dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges, ou aussi les radio-interféromètres, dont on va parler peut-être après tout à l'heure, comme ALMA, qui observe dans le millimétrique. Et donc voilà, il a fallu quand même attendre ces outils pour arriver vraiment à sonder les échelles qui nous intéressent pour comprendre la formation planétaire. Et donc ça, c'est plutôt au début des années 2000, à peu près, voire 2010. On a effectivement des premières photographies assez floues et imprécises avec Hubble D95, mais je crois qu'il y a une image importante, je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, en 2018 par le VLT au Chili, d'un disque protoplanétaire qui répond au doux nom de PDS 70B, et où on distingue vraiment une exoplanète en voie de formation. Anthony Boccaletti, vous confirmez? Oui, alors c'est une observation qu'on a faite avec l'instrument Sphère, qui est installé sur un des télescopes de 8 mètres, qui est d'ailleurs sous responsabilité, enfin qui était sous responsabilité française. La France, les laboratoires français ont beaucoup travaillé sur cet instrument. Et donc PDS 70, c'est un des systèmes qu'on a observé, qui a probablement un âge de l'ordre de 5 millions d'années. Et donc on a envie d'aller voir des objets très jeunes, parce que c'est le moment où se forment les planètes. Hein. Et c'est vrai que c'est un des premiers où en même temps on voyait le disque sur les images. Alors disque de poussière, parce qu'avec Sphère on voit essentiellement la poussière, mais aussi une planète. Alors c'est une planète, très grosse planète, une planète géante, qui fait plusieurs fois la masse de Jupiter, si on la compare à Jupiter dans notre système solaire. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant, parce que c'était quand même la première fois qu'on voyait ça. Un mot, peut-être un commentaire, Sacha Gavino, sur cette image? Oui, c'est une image impressionnante, dans le sens où oui, on peut voir finalement en direct la naissance d'une jeune planète, en fait. Mmh. Mais j'aimerais rajouter aussi que les détails de, enfin les images avec ce type de précision, c'est oui, comme disait Anthony, c'est très récent. C'est-à-dire que il me semble que la première image de HLTO, qui date de je crois de 2013 ou 2014, où c'était la première fois qu'on arrivait vraiment à résoudre des anneaux, etc., et des cavités. Donc c'est un domaine de observationnel qui en tout cas qui est très récent. Qui est très récent et on reviendra sur justement les différentes façons d'observer avec ce niveau de précision et puis ce qui va être rendu possible également dans les mois, peut-être même les semaines si on parle du James Webb ou les années à venir. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission et puis je précise que ces images de PDS 70B, on vous les met bien entendu si vous voulez les observer parce qu'effectivement c'est toujours assez impressionnant sur notre fil Twitter @laméthodefc. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et au moment où Noémie Naguet poste cette image assez impressionnante de ce disque autour de PDS 70B sur le fil Twitter @laméthodefc, nous parlons donc de ces disques protoplanétaires tout au long de cette heure en compagnie de Sacha Gavino et d'Anthony Boccaletti. Peut-être qu'on peut repartir simplement en fait Sacha Gavino depuis le début, puisque avant le disque, eh bien, il y a une nébuleuse, c'est-à-dire un gros nuage de gaz. Point de départ, gros nuage de gaz, qu'est-ce qui se passe après? C'est ça. Alors oui, c'est ça. On parle du milieu interstellaire, donc les gros nuages de gaz. Donc c'est typiquement les belles images que Hubble nous a montrées. Vous savez que les belles nébulosités avec toutes les couleurs rouge, bleu, etc. Donc on parle littéralement de ces nuages-là. Et pour des raisons qu'on comprend pas tout le temps, il va se produire une instabilité. Donc ça peut être dû à l'explosion d'une supernova à proximité ou des turbulences. Une partie de ces nuages moléculaires. Enfin, ces nuages moléculaires ou une partie des nuages moléculaires vont se disloquer, et puis des touffes plus petites, et puis s'effondrer gravitationnellement. Et voilà. Et donc ça, c'est le départ de la formation de stellaire. Et donc alors après le disque, c'est vrai que c'est notre histoire, puisque ces touffes qui s'effondrent gravitationnellement sur elles-mêmes, elles ont un moment cinétique, et de la même manière que si on prend une pâte à pizza en boule et qu'on la tourne sur un axe, elle va s'étirer et s'aplatir. C'est exactement le même procédé physique et donc on va a posteriori obtenir un disque autour de l'étoile, du système stellaire. Ça peut être d'étoiles doubles. Ça peut être d'étoiles doubles. Il peut y avoir plusieurs étoiles. Voilà. Il peut y avoir plusieurs étoiles, effectivement. Et plusieurs disques. Et plusieurs disques en même temps. Anthony Boccaletti, sur ces tout premiers instants, peut-être qu'on peut rappeler ou préciser, puisqu'on parle d'un nuage, d'une nébuleuse. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On parle de... Sacha Gavino vient parler de molécules. Pourtant, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Quelles sont les proportions? Qu'est-ce qu'il y a exactement, finalement, dans ces nuages primordiaux? Oui, c'est essentiellement l'hydrogène et l'hélium, c'est sûr, c'est ce qui va former l'étoile. Donc 90% ou quelque chose comme ça de la composition, c'est ces atomes simples, on va dire. Mais il y a aussi de la poussière qui va se former assez rapidement lorsque le disque va refroidir, et d'autres molécules également qui vont pouvoir apparaître. Ça, c'est dû au refroidissement en fait du disque. Donc voilà, au départ, on a un peu tout qui est mélangé. Et le challenge, en fait, c'est de comprendre comment on passe de quelque chose, d'un système, un nuage qui la poussière, le gaz est mélangé, à un système au bout de quelques milliards d'années, avec une étoile et des planètes autour qui ont une certaine taille, une certaine masse, certaines propriétés, qui sont à une certaine distance de leur étoile. Tout ça, il faut pouvoir l'expliquer. C'est pas avec un modèle complètement générique en fait qu'on peut l'expliquer. Donc il est nécessaire d'observer en plus de faire des modélisations pour évaluer en fait la diversité de tous nos systèmes planétaires et donc essayer de comprendre comment on passe de cette première étape à l'étape vraiment où le système solaire est formé. Alors vous dites deux choses, Anthony Boccaletti, vous parlez donc de poussière. Qu'est-ce qu'il y a dans ces poussières? Parce que vous dites 90%, je pense qu'on peut monter un peu, hein, c'est plutôt 95, 96, 97%, voire 99% d'hydrogène et d'hélium. Les poussières, c'est tout petit, non? Oui, les poussières, au départ, elles font quelques microns. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend exactement par poussière? C'est quoi? De quoi on parle? C'est ce qu'on appelle des silicates. Donc, c'est vraiment des toutes petites poussières de quelques microns, des petits grains, en fait. Et ces grains vont avoir tendance à s'accumuler les uns aux autres, former des poussières de plus en plus grosses, et elles vont grossir de cette façon, jusqu'à des tailles centimétriques, voire un petit peu plus. Après, ça devient des cailloux quand même. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, la difficulté est de comprendre comment elles grossissent jusqu'à l'étape de planète. Et notamment, Sacha mettait en évidence une problématique qui est ce qu'on appelle aussi la barrière du mètre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe cette taille typique du mètre, comment on passe de quelques microns à un objet qui fait quelques mètres. Ouais. Donc ça, c'est voilà, il y a beaucoup de travaux théoriques là-dessus, et on essaye d'alimenter tout ça avec des observations, avec différents instruments. Vous disiez également quelque chose, vous parliez de refroidissement de ce nuage de gaz, parce que le nuage de gaz, il est très chaud, et puis plus on va avancer dans l'organisation, c'est-à-dire l'organisation en étoiles et en disques, plus la température va baisser, ou comment ça se passe justement ces fluctuations thermodynamiques ? Alors ça, c'est très complexe en fait, hein. C'est pas au premier ordre, on peut dire que ça refroidit, voilà, plus on est éloigné de l'étoile et plus c'est froid, mais c'est pas toujours aussi simple, parce qu'il y a effectivement le rayonnement de l'étoile qui va aussi chauffer le disque en fonction de la distance à laquelle on est de l'étoile, mais c'est il faut quand même qu'il y ait un certain refroidissement pour que notamment des grains glacés puissent apparaître, et on parle de si on fait référence aux deux articles que vous avez mentionnés au début, à ce qu'on appelle la ligne des glaces. Donc glace, ça peut être de la glace d'eau, mais ça peut être aussi de la glace d'autres molécules, et notamment de monoxyde de carbone. Et ces glaces donc vont apparaître à une certaine distance de l'étoile. Il faut être quand même suffisamment froid pour qu'il y ait des glaces. Et ces glaces sont importantes pourquoi ? Parce qu'en fait, elles vont contribuer énormément à faire grossir des planètes, en fait, à leur donner une masse très importante. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à tous ces anneaux qui se trouvent dans les disques protoplanétaires et qu'on voit sur les images, notamment les images d'ALMA, qui mettent en évidence ces anneaux, parce que on pense que c'est à ces endroits-là que se forment les planètes. Donc il y a toujours cet intérêt de chercher en fait dans l'image des disques ou dans la signature qu'on observe dans les disques, qu'est-ce qui permet de comprendre comment les planètes se forment après. Un mot, Sacha Gavino, pour avant de poursuivre un peu l'évolution chronologique de ces nébuleuses en système planétaire. Ces silicates, ces poussières, on parle également de matières carbonées, elles viennent d'où ? Alors ça c'est une grande question, c'est au-delà je dirais, de mes compétences, mais on peut noter plusieurs choses. L'origine principale, c'est a priori l'atmosphère. Enfin, ça se produit durant la mort des étoiles, donc dernières étapes avant supernova, etc. Et donc dans les atmosphères, il va y avoir des conditions de température, de densité qui vont en quelque sorte cristalliser le matériau en ces poussières là. Mm-hmm. Voilà. Anthony Boccaliti, un mot sur l'origine de ces silicates, parce que silicates c'est vaste, c'est-à-dire que on est à quel niveau de complexité moléculaire en fait ? Alors c'est pareil, ça sort un petit peu de mon cadre de compétences, mais moi je suis plus observateur. Bien sûr, mais en deux mots, juste pour qu'on ait une idée. Alors c'est-à-dire, vous voulez dire en termes de structure ? D'où viennent ces silicates ? Essayons juste de comprendre comment ils se retrouvent dans ces nuages de gaz. Oui, mais c'est encore une fois, comme on disait au début, c'est le refroidissement qui fait que ces composés se forment à partir des molécules qui vont grossir et qui vont donner des objets plus gros. Mmh. Et donc là, on forme des poussières un petit peu de cette façon-là. D'accord. Mais c'est pareil, hein, c'est des étapes qui sont assez mal comprises encore, et on trouve de la poussière pas forcément qu'autour des étoiles, on trouve de la poussière aussi, beaucoup de poussière, déjà dans les systèmes, dans les nuages moléculaires. Mmh. Mmh. Oui. C'est... Donc avant que l'étoile se forme, et ce qui sont des environnements très froids, donc c'est pour ça aussi que les poussières se forment, en fait sont déjà présentes dans la nébuleuse, pardon, dans laquelle se forme l'étoile ou les étoiles, s'il y en a plusieurs en même temps, et donc ils vont se retrouver dans le disque, en fait, autour de l'étoile. Donc ils étaient là avant, j'ai envie de dire. Oui. Sacha Gavino. Oui, c'est ce que j'allais confirmer, c'est-à-dire qu'en fait les poussières, on les retrouve partout dans la galaxie, typiquement, et dans toutes les autres galaxies a priori. Mais leur composition, en fait, chimiquement, est très simple a priori. Hein, c'est vraiment pour une partie, c'est du dioxyde de silicium et Et une autre fraction, c'est plus voilà, des chaînes carbonées. Donc c'est des atomes oxygène, silicium et carbone. Voilà, des atomes relativement primitifs, en tout cas dans la nucléosynthèse. Voilà, voilà. Voilà c'est ça, qui est préproduit de la nucléosynthèse, exactement, et qui se sont cristallisés en forme solide. Est-ce que tous les disques protoplanétaires sont identiques, Sacha Gavino? Est-ce qu'il y a une variété à quel type de forme on aboutit quand on en est à ce stade-là, avec le début d'une étoile et puis ce disque qui s'organise, ce disque de gaz et de matière? Alors, je dirais plutôt que chaque disque est vraiment unique, littéralement. Alors, et c'est difficile, voilà, comme disait Anthony, c'est difficile d'avoir une sorte de schéma générique de la formation d'un disque et d'un système planétaire. Alors après, on peut retrouver quand même des caractéristiques, générales. Par exemple, les dernières études, les grandes campagnes d'observation, notamment avec ALMA, ont montré que, en tout cas, a priori, quasiment tous les disques contiennent des structures en spirale, contiennent des anneaux, des cavités, etc. Et a priori, c'est le signe d'ailleurs de l'hypothèse la principale, c'est le signe de formation planétaire. Et ça, c'est des caractéristiques qu'on retrouve dans quasiment tous les disques. Voilà. Anthony Boccaletti, sur cette question des formes et des différents types, des différentes variétés de disques protoplanétaires. Oui, donc effectivement, il y a de la diversité, de la même façon qu'on observe de la diversité dans les presque 5000 exoplanètes qu'on connaît. Il n'y en a pas vraiment une qui se ressemble, enfin en tout cas, il n'y a pas beaucoup de systèmes qui se ressemblent, et on a besoin d'expliquer cette diversité, et donc il faut qu'elle soit, cette diversité doit être présente à l'origine, et donc les disques eux-mêmes vont se former, enfin en tout cas, les structures à l'intérieur de ces disques vont évoluer en fonction des conditions environnementales et aussi beaucoup en fonction de l'étoile elle-même finalement. Il existe différents types d'étoiles. Hein. Il y a des étoiles qui sont relativement froides, enfin entre guillemets, puisqu'elles font 3000 degrés à leur surface, et d'autres qui vont être beaucoup plus chaudes, plus de 10 000 degrés, 20 000 degrés, et le Soleil c'est à peu près 6 000 degrés à la surface. Donc en fonction de ça, le gaz et la poussière autour va évoluer de façon différente. Et puis aussi en fonction de la masse qu'on avait de gaz et de poussière dans la nébuleuse primitive. Donc voilà, tout ça, ça crée de la diversité et ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup d'images identiques de disques protoplanétaires. Donc ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de chercher des structures typiques. Donc on a parlé... On a mentionné les anneaux, on a mentionné les spirales, qui nous indiquent justement qu'il y a ou qu'il y a eu de la formation de planètes dans ces systèmes. Voilà, on va chercher ces structures typiques pour comprendre de façon générique comment la formation des planètes se passe. Sacha Gavino. Oui, à ça, j'aimerais. On peut rajouter que finalement, c'est presque chaotique, c'est-à-dire qu'une minuscule différence dans les conditions initiales du nuage peut donner naissance à un disque complètement différent avec des planètes et une architecture totalement différente. Ouais. Si on prend un exemple précis ou un exemple concret, Anthony Boccaletti, sur un des premiers disques observés, celui de l'étoile TW Hydrae, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, TW Hydrae, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y en a beaucoup et des fois on se perd un petit peu dans les noms des systèmes. C'est un système en anneaux, plutôt. Donc, comme beaucoup de disques protoplanétaires, hein, effectivement, c'est un des premiers, je crois, qu'il avait été observé avec le Hubble Space Telescope. Et puis ensuite, on a fait pas mal d'observations au sol, et notamment avec Sphere et ALMA. Et plus on améliore, en fait, la qualité des télescopes ou des instruments, et plus on voit des structures à l'intérieur. Et donc, ces anneaux, de la même façon que pour d'autres systèmes très connu comme HLTO, semble tracer en fait la position de ces lignes de glace et donc être connecté en fait à la formation des planètes. Donc voilà, c'est systématiquement en fait quand on observe des systèmes avec un instrument ou un télescope, on découvre des choses, on découvre des structures. On fait pas seulement des images, hein, bien sûr. Il y a les images, c'est un peu l'évidence, mais il y a aussi beaucoup d'études spectroscopiques ou polarimétriques qui sont d'autres outils que juste faire des images et qui vont nous renseigner sur les propriétés physiques des grains qui sont dans les poussières autour de ces disques ou sur d'autres propriétés physique qu'on va pas détailler mais qui permettent de vraiment d'aller dans la profondeur de la compréhension en fait de l'évolution des disques. On va vous mettre quelques images des reconstitutions ou des modèles, hein, parce que TWI DRAE, on le voit par la tranche, donc on est obligé de modéliser à peu près ce que on peut percevoir de ce disque protoplanétaire, mais c'est vrai que c'est assez beau, c'est assez mouvant. Vous vouliez rajouter un mot, Sacha Gavino, sur... Oui, alors j'allais dire que TWI DRAE, justement, j'allais dire qu'il a plusieurs avantages, et il a le double avantage d'être en fait vu de face. Elle est de face, alors pas la tranche, c'est moi qui dis n'importe quoi. Ça m'arrive. Moi, je me trompe des fois. Donc on le voit de face, il est particulièrement proche du Soleil, et c'est typiquement le genre de système qui va donner naissance à une étoile du type solaire. Donc il a tous ses avantages, et donc c'était observationnellement, c'était très intéressant pour ça. Oui. On va vous mettre donc des images de ce disque protoplanétaire de TWI DRAE vu de face, et puis on va continuer à discuter des disques protoplanétaires maintenant qu'ils sont bien établis. On va essayer de comprendre comment s'organisent et comment apparaissent les planètes à l'intérieur de ces disques, et comment et pourquoi apparaissent des planètes aussi distinctes, diverses que des géantes gazeuses, des géantes froides, des petites telluriques, des super telluriques. Bref, toute cette tératologie planétaire, on en parle dans un instant. Planets de Teenage Fan Club à 16h30 sur France Culture, puisque nous parlons pas tout à fait des planètes, mais des planètes en formation, des disques protoplanétaires au tout début, à la naissance des systèmes stellaires. Nous en parlons avec Sacha Gavino, qui est chercheur en astrophysique et post-doctorant à l'Institut Niels Bohr à l'Université de Copenhague, et Anthony Boccaletti, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, à l'Observatoire de Paris. Alors, on va avancer un peu dans la formation de ces disques protoplanétaires et de ces planètes, puisque se pose une question. Une fois les planètes formées et accrétées, il reste donc un disque de débris. Et cette question, comment expliquer la présence de gaz résiduels dans cette phase? C'est à cette question que vous avez tâché d'apporter des éléments de réponse dans votre reportage du jour. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est avec Quentin Kral, astrophysicien à l'Observatoire de Paris, que j'ai tenté de répondre à cette énigme qui occupe la communauté scientifique depuis des années. Comment se fait-il que dans la phase qui suit celle du disque protoplanétaire, subsiste du gaz pendant une durée plus longue que ce que l'on estimait? C'est à ce paradoxe que s'est attelé Quentin Kral dans une étude parue en 2018 qui l'a conduit à faire le tri dans les hypothèses et à proposer une solution à ce mystère. L'idée de ce travail de recherche, c'est vraiment que pour l'instant, on a une incompréhension. Parce que depuis quelques années maintenant, on découvre que dans ces disques de poussière, donc ces disques de débris, qu'il y a aussi du gaz. Et on ne s'attendait pas à ça du tout, en fait. On s'attendait à ce qu'il n'y ait vraiment que de la poussière. Et maintenant, on voit du gaz, notamment grâce à un observatoire qui est au Chili, à 5 km d'altitude, qui s'appelle ALMA, qui combine la lumière avec plusieurs télescopes. Il y en a 43 actuellement. Donc on découvre ça, qu'il y a aussi une phase gazeuse en fait dans la phase post-disque protoplanétaire, donc une fois que les planètes sont bien formées, et on se pose la question de savoir d'où provient ce gaz. Donc il y a deux hypothèses un peu concurrentes. La première étant, est-ce que c'est juste un reliquat de la phase disque protoplanétaire et que ce gaz en fait survit beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait initialement? Ou est-ce que c'est vraiment une autre phase qu'on est en train de voir et que c'est du gaz qui est en fait relâché par les planétésimaux qu'il y a dans les ceintures, comme la ceinture de Kuiper ou comme les ceintures d'astéroïdes, et qui est en fait relâché directement de ces planétésimaux, donc qui nous donnera un accès direct à la composition de ces planétésimaux. Alors moi, j'ai voulu un peu étudier ça dans cette étude. Donc ce qu'on observe notamment, c'est du CO. Il y a quand même une assez grande masse de CO, de monoxyde de carbone. Ça peut être de l'ordre de 1/10 de la masse de la Terre. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en fait, l'hypothèse qui était dominante, c'était que c'était un reliquat des disques protoplanétaires, donc que ces disques pouvaient survivre plus longtemps que ce qu'on pensait. Et en fait, on observe aussi de tels disques qui ont déjà presque un demi-milliard d'années. Donc en fait, cette hypothèse, elle pourrait peut-être fonctionner pour les disques les plus jeunes, mais pour les disques qui ont un demi-milliard d'années, elle pourrait pas fonctionner, parce que ce gaz, de toute façon, il se fait détruire au fur et à mesure par des interactions avec les photons de l'étoile centrale, etc. Et donc, s'il subsiste pendant un demi-milliard d'années, c'est qu'il y a quelque chose qui le produit en permanence. Et donc, c'était un aspect qui avait jamais étudié auparavant, de savoir s'il pouvait venir des planétésimaux, et si ça pouvait créer autant de gaz que ce qu'on voit. Parce qu'on voit quand même beaucoup de CO, presque autant que dans les disques protoplanétaires, ce qui était vraiment pas attendu, du moins dans les disques de débris qui sont les plus massifs. Et ce que je trouve, c'est qu'effectivement, on peut expliquer aussi avec une approche secondaire, donc que le gaz soit d'origine secondaire et pas d'origine primordiale. On peut aussi expliquer en fait que ce gaz soit là parce qu'il est relâché par les planétésimaux. Et en fait, le CO arriverait quand même à s'accumuler parce qu'il y a des effets en fait d'interaction avec le carbone qui est produit par le CO, qui fait que la lumière qui arrive de l'étoile centrale, elle détruit pas autant de CO que ce qu'on imaginait auparavant, et donc le CO peut s'accumuler, et donc c'est pour ça qu'on observe de grandes quantités de CO, même dans cette phase-là, en fait, quand l'étoile est sur la séquence principale. Alors, à quel système exoplanétaire, ou en tout cas, où est-ce que vous avez pointé votre regard? Expliquez-moi un petit peu le paysage, le panorama de cette étude. Donc l'idée, c'est de, pour l'instant, de regarder un peu le haut de l'iceberg, on va dire, c'est-à-dire de prendre tous les systèmes où il y a des disques de débris qui sont assez massifs, parce qu'on s'attend quand même à ce que ce soit eux qui produisent le plus de gaz. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu pas mal de recherches, notamment avec ALMA, pour cibler ces systèmes-là en particulier. Donc c'est ces disques qu'on connaît par ailleurs, parce qu'on a déjà détecté la poussière, on a déjà de belles images de ces disques-là. Et donc on a regardé par exemple les 30 disques les plus brillants, et on a vu qu'en fait une bonne partie d'entre eux avaient du gaz. Apparemment, c'est quand même, pour un disque brillant, c'est la norme d'avoir du gaz plutôt que de ne pas en avoir, et chose qui était vraiment inattendue. Après, on pense qu'il y a, théoriquement en tout cas, on pense qu'il y a du gaz dans tous les systèmes qui ont des disques, mais que parfois en fait il y a des problèmes de détection parce qu'il va y avoir beaucoup moins de gaz. Et donc ça va être plus dur à détecter, et Alman par exemple ne va pas suffire, il va falloir attendre les nouvelles générations de télescopes pour aller encore plus loin. Alors justement, quelle est la suite de ce travail-là? Comment vous poussez cette étude et comment vous allez encore questionner cette présence de gaz dans des systèmes exoplanétaires une fois qu'ils ont été formés? Donc l'idée maintenant, c'est quand même, parce qu'avec ALMA on n'a pas encore tout fait, donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec ALMA. Donc l'idée, c'est tous les ans de proposer à ALMA d'observer de nouveaux systèmes ou d'observer des systèmes où il y a déjà du gaz qui a été détecté, mais pour voir un peu plus en détail ce qui se passe, donc observer plus longtemps, observer avec une meilleure résolution, pour vraiment faire des images de ce gaz, voir par exemple s'il y a des interactions avec les planètes. Donc par exemple, on peut s'imaginer que si on fait des images à haute résolution de ces systèmes gazeux, on pourrait potentiellement détecter des exoplanètes, parce qu'on verrait par exemple des espèces de sauts de densité, des espèces de trous dans ces disques de gaz qui montreraient la présence d'exoplanètes qu'on ne peut pas détecter par ailleurs parce qu'elles seraient trop loin de leurs étoiles. Et pour les exoplanètes qui sont vraiment loin de leurs étoiles, on a vraiment du mal à les détecter actuellement avec les méthodes actuelles. Et donc ça permettrait de faire ceci avec ALMA et avec les nouvelles détections. Et après, dans le futur, bien sûr, il y aura de nouveaux télescopes qui émergeront, ou même ALMA qui va s'améliorer. Et on a l'espoir qu'on pourra aller encore plus loin, notamment s'il y a une mission, par exemple, dans l'infrarouge, avec des télescopes spatiaux de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, qui sont des projets qui sont proposés actuellement, mais à l'horizon 2040-2050. Avec le JWST, on espère aussi pouvoir détecter des choses. Pour l'instant, rien n'est sûr. Il faut étudier ça théoriquement un peu plus en avant. En tout cas, on va proposer des observations et on verra ce que ça donne. Voilà, le reportage du jour et les espoirs, nombreux sont les espoirs, couvre et qu'offre le James Webb Space Telescope. Je pense que depuis qu'il est lancé tous les mardis, nous faisons des émissions où on dit que le James Webb Telescope va nous apporter des images à ces éléments pour lesquels nous manquons encore d'imagerie directe. Peut-être simplement une réaction à ce que vous venez d'entendre, Anthony Boccaletti. Oui, alors sur la partie du travail que Quentin Krall a effectué, effectivement, c'est très intéressant de savoir qu'il peut rester du gaz après la phase de formation des planètes et que ce gaz peut être, comme il l'a dit, secondaire, c'est-à-dire non pas présent à l'origine de la formation du disque, mais qui a été produit après, et notamment par des collisions de ce qu'on appelle les planétésimaux. Ces planétésimaux qu'il a mentionnés, ce sont une sorte d'astéroïdes très primitifs. Et déjà, on savait, en fait, il a mentionné également les disques de débris, qui sont des disques postérieurs à la phase de disque protoplanétaire. Lorsque l'ensemble du gaz du disque protoplanétaire s'est dissipé sous l'effet du rayonnement stellaire ou a été en fait intégré à des planètes, c'est-à-dire qu'il a servi à former des planètes, eh bien, il reste essentiellement de la poussière qui va créer des petites planètes rocheuses, etc. Mais ces planètes rocheuses sont tellement nombreuses, ces planétésimaux, qu'elles vont rentrer en collision et reformer de la poussière. Donc cette poussière-là, elle est de seconde génération. Et maintenant, ce que Quentin Krall a montré, c'est qu'il existait aussi du gaz de seconde génération, qui est aussi produit probablement par des collisions de planétésimaux. Sacha Gavino, votre réaction également à ce reportage. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait, c'est ce qu'on appelle les disques hybrides, c'est-à-dire des disques qui contiennent beaucoup de gaz et qui ne devraient pas en contenir a priori, parce que ça ne correspond pas au modèle. C'est-à-dire que le gaz aurait dû se dissiper, être évacué par les vents stellaires, et on observe en masse. Et puis je trouve que c'est intéressant l'étude de Quentin, parce que en fait, en gros, il y a deux hypothèses principales. Il y a l'hypothèse primaire, c'est-à-dire est-ce que ce gaz est issu directement du gaz du disque, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on comprend pas totalement finalement la dissipation du gaz. Et il y a une hypothèse secondaire qui dit que ce gaz, il provient d'autres processus, en l'occurrence ici l'éjection de gaz des planétésimaux. Et voilà, et je trouve ça intéressant la manière dont en tout cas l'étude de Quentin fonctionne, c'est-à-dire que ça montre à quel point c'est intéressant d'être capable d'observer des molécules typiquement, parce que la manière dont on arrive à déduire est-ce que c'est une origine secondaire ou primaire, c'est en observant directement ces molécules, parce que typiquement le disque des gaz, il contient une fraction, la principale quantité de molécules, c'est du dihydrogène. Et quand on observe ces excès de gaz, ici, c'est principalement du CO avec quasiment pas du tout d'H2O. Monoxyde de carbone. Du monoxyde de carbone. Et donc, c'est l'étude de Quentin Krall ici et qui va vers la seconde hypothèse secondaire, du coup, qui est une confirmation du fait que c'est pas issu du gaz primordial, du disque primordial. Bien sûr. Si on fait une petite marche arrière et qu'on revient à l'étape qui nous intéresse, à savoir celle des disques protoplanétaires avant la coupure musicale. On a donc une étoile qui s'est allumée, on est à la classe 3, on a un disque qui est bien formé, et à partir de là on arrive du coup dans cette question qui demande encore un certain nombre de réponses, à savoir comment à partir de là se forment les planètes et les différentes planètes. Et je crois, Anthony Boccaletti, qu'il y a deux types de modèle, celui par accrétion dont vous allez nous reparler, mais celui également par possibilité d'effondrement du nuage moléculaire, comme ça peut être le cas parfois pour l'allumage d'étoiles. Oui, alors c'est vrai que c'est une étape qui est cruciale de comprendre comment les planètes se forment. Alors on parle surtout des planètes géantes, là, hein. Et encore une fois, on n'a pas vu de formation de planètes en direct. Et donc pour essayer de comprendre comment ça marche, on observe à la fois des disques protoplanétaires et des exoplanètes, et on essaye d'avoir des diagnostics pour comprendre quel est le mécanisme de formation. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a deux grandes familles en fait de scénarios possibles. La première, qui est ce qu'on appelle l'accrétion sur un cœur, où tout d'abord, il faut former une petite planète, une planète rocheuse, pardon, pas petite, en fait, assez grosse, qui aurait une masse au moins de 10 fois la masse de la Terre. Donc il faut que ces poussières deviennent des cailloux, qui deviennent ensuite des gros cailloux, puis des astéroïdes, etc., puis des planètes. Et une fois que cet objet a obtenu une masse relativement importante, de à peu près 10 fois la masse de la Terre, alors il est suffisamment lourd pour accréter du gaz, s'il y a encore du gaz autour de lui dans le disque protoplanétaire. Et donc ce gaz va littéralement tomber sur ce cœur, et donc c'est pour ça qu'on appelle l'accrétion sur un cœur. Donc c'est un peu comme s'il fallait une graine pour pouvoir accréter du gaz autour de cette graine et former ensuite une planète géante comme Jupiter. Donc ça, c'est la première famille, et c'est celle qui a été plébiscité pour expliquer le système solaire. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir en fait d'autres mécanismes, et bon, sans rentrer dans les détails parce que c'est relativement complexe et c'est pas non plus mon domaine de recherche précisément, mais on peut, de la même façon qu'il y a des instabilités qui créent des étoiles en fait dans les nuages moléculaires dans la galaxie, on peut, une fois que l'étoile s'est formée et que le disque protoplanétaire s'est formé, on peut aussi avoir des instabilités qui, localement, vont permettre au gaz de s'effondrer. Donc c'est un peu comme une version à échelle réduite de la formation d'une étoile, mais il n'y aura pas suffisamment de masse pour former une étoile, et donc on va former plutôt une planète géante qui peut avoir la masse de Jupiter ou quelquefois la masse de Jupiter. Et entre ces deux modèles, il y a des différences. Notamment dans un cas, il y a une graine, et enfin ce fameux cœur rocheux, et dans l'autre, il n'y est pas. Donc on peut s'attendre à des compositions différentes. Et aussi, les modèles nous disent que l'échelle de temps est différente, c'est-à-dire que l'un des mécanismes va prendre un peu plus longtemps que l'autre, voire même plus longtemps, vraiment plus longtemps. L'accrétion sur un cœur serait a priori plus longue que l'effondrement gravitationnel. Et puis également, avec ces modèles, on peut prédire où se trouvent les planètes, alors de façon générique, hein, mais pas précisément pour une étoile donnée, mais de façon générique, où elles se situent à la distance d'une étoile de masse donnée. Et donc, tout l'enjeu, en fait, est de comparer les prédictions de ces deux familles de modèles avec les observations. Où est-ce qu'on observe les planètes? Quelle est leur composition? Quel est leur âge? À partir de quand elles sont formées? Et mettre ça donc en parallèle avec les modèles pour tenter de comprendre si c'est plutôt l'un ou l'autre, voire les deux en fait, parce qu'il n'y a pas de raison que la nature fonctionne pas de deux façons différentes. On pourrait très bien imaginer que en fait les planètes se forment par différents mécanismes. Donc voilà ce qu'il faut essayer de comprendre maintenant. Un mot peut-être, Sacha Gavino, sur ces deux modèles. Là, dans ces deux modèles, dans ce qu'on vient d'entendre d'Anthony Boccaletti, on parle de la formation, de l'accrétion ou de l'effondrement pour créer des géantes gazeuses. Il reste une case à cocher, c'est celle des petites planètes telluriques. Dans notre système, elles sont petites. On sait qu'elles peuvent être un peu plus grosses. Hein. On peut parler de super-Terre qu'on a détectée parmi des exoplanètes depuis 95. Est-ce que ce sont les mêmes systèmes? J'imagine que c'est évidemment différent, puisqu'il y a par essence pas de gaz autour, en tout cas beaucoup moins. Oui, alors je suppose que le deuxième modèle auquel Anthony fait référence, c'est ce qu'on appelle le modèle de streaming instability, hein, si je me trompe pas. Mais effectivement, alors il y a une différence majeure, c'est-à-dire que dans un disque protoplanétaire, on a ce qu'on appelle des lignes de glace, et au-delà de ces lignes de glace, si on prend les lignes de glace de l'eau par exemple, l'eau peut se mettre sous forme de glace typiquement. Revenons sur ces lignes de glace justement, parce que c'est important. D'accord. Ces lignes de glace, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'elles se définissent et pourquoi elles sont importantes pour comprendre la structure du disque protoplanétaire? C'est extrêmement important. Alors bon, évidemment, c'est pas des lignes à proprement parler, hein, c'est plus des surfaces en fait autour de l'étoile, et ça caractérise finalement c'est la frontière entre le, donc si on prend l'exemple de l'eau, mais il y a pas que de l'eau, ça peut être pour toutes les molécules finalement, mais si on prend l'exemple de l'eau, c'est la frontière en deçà de laquelle l'eau est sous forme de vapeur et au-delà de laquelle l'eau se met sous forme de glace. Et quand on dit sous forme de glace, c'est-à-dire que l'eau va se coller en fait à la surface des grains. Et c'est fondamental parce qu'en fait, les grains qui sont au-delà de cette ligne des glaces, ils sont donc ils ont des couches de glace d'eau qui peuvent être assez importantes. Et ce qui se passe, c'est que le collage de ces grains est beaucoup plus efficace quand ils sont avec une couche de glace que quand ils sont nus sans glace, c'est-à-dire plus proche de l'étoile. Et donc, bah, a priori, la croissance et la croissance des protoplanètes et des planétésimaux est beaucoup plus efficace au-delà de cette ligne des glaces qu'en deçà. Et en fait, ça ressemble un peu à la dichotomie du système solaire où on a les planètes géantes massives à l'extérieur, riches, et les planètes plus pauvres à l'intérieur. Mmh. Voilà. Donc c'est fondamental pour comprendre. Un mot peut-être là-dessus également, Anthony Boccaletti, sur ces lignes de glace. On peut reprendre un peu, hein, revenir à l'étude de Nature Astronomy de fin décembre qui délimite bien justement ces frontières entre les lignes de glace d'eau, également de monoxyde de carbone, mais aussi qui met des frontières en fonction évidemment de la réduction de la température, ce qui est assez compréhensible quand on parle de réduction de la température puisqu'on parle de glace. Oui, donc en fait, l'étoile a une certaine température et plus on s'en éloigne et plus la température d'équilibre d'un grain va diminuer selon une certaine loi. Et donc, selon la molécule qu'on considère, que ça soit l'eau ou le monoxyde de carbone, elle va pas se solidifier à la même température. Donc on va avoir une sorte de stratification en fait de ces lignes de glace. La glace d'eau relativement pas très éloignée, à quelques unités astronomiques d'une étoile de type solaire. Si on prend le Soleil, si je dis pas de bêtises, la ligne des glaces de l'eau, c'est environ 3 unités astronomiques. Pour comparer ça à notre système solaire, Jupiter est à 5 unités astronomiques, donc elle est bien au-delà de la ligne des glaces. Et donc après, plus loin, on peut avoir des lignes de glace, comme on a dit, des surfaces, plutôt de monoxyde de carbone, par exemple. Donc il va y avoir cet effet de stratification, et l'étude montrait justement qu'il y avait préférentiellement en fait des anneaux qui se formaient à différentes distances de l'étoile. Donc il me semble que c'était un premier anneau vers une unité astronomique, puis un peu plus loin vers 3-4 unités astronomiques, et ensuite au-delà de 10-20 unités astronomiques. Donc il y a ces anneaux qui se forment en fonction des molécules qui condensent, et donc ça va aussi déterminer où se forment les planètes géantes en fait. Donc ça donne une image de l'endroit où devraient apparaître les planètes dans un système. Donc préférentiellement, si on veut les chercher, c'est là qu'il faut regarder en fait, à ces distances-là. Vous parliez tout à l'heure, Sacha Gavino, de cavités. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de cavités, et en quoi elles sont également déterminantes pour savoir ou pour prédire le type de planète qui pourrait être produite et à quel endroit du disque protoplanétaire? Les cavités, c'est je suis pas sûr de ce que je veux dire, mais en tout cas, les cavités, c'est plus des endroits où l'orbite aurait été où la zone où la protoplanète aurait littéralement nettoyé son orbite au passage. C'est-à-dire que là, on a affaire à des protoplanètes qui sont déjà suffisamment massifs pour avoir un impact gravitationnel, et donc, comme disait Anthony, pour accréter le gaz localement. Et donc, au fur et à mesure qu'elle avance sur son orbite, elle va accréter le gaz sur son passage, et on va se retrouver avec une cavité. Voilà. Un mot peut-être Anthony Boccaletti, puisque on sait notamment par rapport à ce que vous venez de dire sur les différentes lignes de glace, donc la glace d'eau, la glace de monoxyde de carbone, et on pourrait rajouter en amont la ligne de sublimation des silicates, c'est que on sait aujourd'hui, il est quasiment attesté, que les planètes dans notre système ne sont pas à l'endroit où elles ont été formées. Comment est-ce qu'on explique, avec ce modèle de formation que vous venez de décrire, que finalement, aujourd'hui, les planètes telluriques soient plus proches, plus petites et plus proches du Soleil que les planètes géantes, qui se sont pourtant normalement formées plus près du Soleil que les planètes telluriques? Alors attention quand même, parce que ça, c'est l'image qu'on a du système solaire, comme on l'a dit tout à l'heure, les petites planètes sont plus près de l'étoile, et au-delà d'une certaine distance, on a les planètes géantes. Et c'est l'état du système au bout de 4 milliards et demi d'années. Et en 4 milliards et demi d'années, il a pu se passer pas mal de choses quand même, puisque les planètes ont des interactions entre elles. Elles peuvent avoir des orbites qui évoluent au cours du temps, et notamment l'équipe de Nice, de l'observatoire de Nice, a montré que le système solaire pouvait s'expliquer, enfin, en tout cas la position de certaines planètes dans le système solaire pouvait s'expliquer par des modifications des orbites des planètes. Ce qui est assez important aussi à comprendre, c'est que au tout début, quand on a observé des exoplanètes, qu'on a essayé de comprendre comment elles se formaient, comment elles subsistaient surtout, eh bien les modèles montraient que on avait des migrations. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une migration ? C'est lorsque, entre guillemets, la planète va frotter sur le disque de gaz qui n'est pas encore complètement dissipé, et cette planète va perdre de l'énergie et donc va se rapprocher de l'étoile. Et dans certains modèles, on peut même faire disparaître des planètes. En fait, elles tombent sur l'étoile et elles participent à l'enrichissement, en fait, en matériaux plus lourds de l'étoile. Et donc, tout ça, c'est très complexe, en fait, parce que ça va dépendre du nombre de planètes qui s'est formé, de l'endroit où elles se sont formées et de leur interaction. Par exemple, dans le système solaire, on pense que c'est grâce à la formation de Jupiter et de Saturne que les planètes internes ont pu subsister et ne pas tomber sur l'étoile. Parce que si on s'amuse dans des modèles à uniquement fabriquer des planètes telluriques, des petites planètes, eh bien, au bout d'un certain temps, elles disparaissent et la plupart, en fait, tombent sur l'étoile. Et pour les garder là, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait d'autres effets gravitationnels avec d'autres planètes. Et donc peut-être que si notre Terre est là aujourd'hui à une unité astronomique, eh bien ça serait grâce à d'autres planètes, en fait. Donc c'est très complexe, en fait, à expliquer. On peut pas juste avec un modèle prédire où les planètes vont apparaître, et est-ce qu'elles vont subsister là. Et c'est ça qu'on a du mal à faire aujourd'hui, c'est à expliquer, en fait, toute la diversité des planètes. Alors, j'ai pas exactement répondu à la question. Non, vous faites bien, c'est déjà très bien, et puis je vais renvoyer les auditrices et les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée justement au modèle de Nice que vous avez évoqué, au grand AC, enfin, aux différents modèles et hypothèses qui président à la structuration du système solaire après le disque protoplanétaire, une fois que les planètes ont été formées. Peut-être un mot, tout de même, Sacha Gavineau, vous l'avez évoqué tout début, j'aimerais qu'on y revienne quand même brièvement. Qu'est-ce qui bloque, théoriquement, à cette barrière du maître? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, bien finalement, l'accrétion ne continue pas normalement, logiquement, en passant du micro au milli, au mètre, au kilomètre, etc.? Alors ça, c'est dû à ce qui se passe dynamiquement dans le disque. À l'initial, les grains sont du l'ordre, voilà, du micromètre, peut-être nanomètre, et à cette échelle-là, ils collent bien entre eux. Et évidemment, quand on est là dans le plan du disque, on a des surdensités, enfin, on a une densité plus importante que deux grains de poussière que dans le milieu interstellaire. Donc, ils collent bien entre eux parce que? Ils collent très bien entre eux. Parce que le rapport entre la surface et la masse fait qu'ils collent bien entre eux, et que c'est des interactions électrostatiques, si vous voulez. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, il y a deux effets pervers, c'est-à-dire qu'à mesure que les grains vont grossir et atteindre des détails du millimètre ou centimètre, ils vont finalement nettoyer ce qu'il y a autour, donc il va y avoir moins de grains à disposition pour coller. Et surtout, plus on augmente la taille des grains, plus leur interaction, plus les collisions, enfin moins leur collision va pouvoir générer des agrégats et des grains de plus en plus gros. Et il y a un deuxième effet pervers à ça, c'est que le disque en lui-même, on dit qu'il est sub-keplérien, le disque des gaz, c'est-à-dire qu'il tourne moins vite que ce qu'il devrait tourner. Les grains de poussière, eux, ils s'en foutent, c'est des particules, elles vont à la vitesse qu'elles devraient avoir, mais ce qui se passe, c'est que, comme quand on est dans une voiture et qu'on sort la main dehors sur l'autoroute, on va subir une force, et donc les grains de poussière vont se prendre littéralement le gaz en pleine tête, et donc elles vont se mettre. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça sur une particule en orbite? On va diminuer son moment angulaire, et donc les grains vont se mettre à spiraler vers l'étoile. Et la vitesse de c'est ce qu'on appelle la dérive, et la vitesse de dérive, ou de migration radiale, et cette vitesse va dépendre de la taille. Et donc on va se retrouver avec un jeu de taille et de vitesse qui font que les collisions entre les grains, tous les modèles montrent que les interactions et les collisions entre les grains vont générer va être destructeur. Et donc on va se retrouver avec des tailles donc typiquement du mètre maximum. Donc c'est ce qu'on appelle une barrière. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci, Sacha Gavineau. Merci, Anthony Boccaletti, d'être venu nous parler de ces disques protoplanétaires. Vous pouvez retrouver, évidemment, tout un tas d'illustrations, d'articles, de liens vers, des revues ou des papiers qui ont été publiés sur ces sujets sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que vers d'anciennes émissions de la méthode scientifique qui abordaient des sujets codex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est Natacha Chatriou, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Amel Boucherka, Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation et Jacques Azubert à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.